Chapitre 7e. C'est encore coiffé de sa casquette d'employé du gaz que le policier pénétra, à 6h30 précise, dans la loge de Madame Blanchette. Mademoiselle Zizi n'était pas encore entrée et l'inspecteur s'installa de manière à surveiller les allées et venues des locataires par le guichet dont la concierge avait soigneusement frotté la vitre. La figurante fit son apparition à 7h05, tenant à la main un petit paquet contenant apparemment la charcuterie destinée à son repas du soir. C'était une jeune femme remarquablement jolie, avec des cheveux admirables, un petit nez fripon et un menton charmant où, dans le creux d'une fossette, nichait l'ombre d'un sourire. Après lui avoir laissé le temps de se débarrasser de son manteau, l'inspecteur fit signe à la pipelette impatiente que le moment était venu. À deux, ils gravirent les 5 étages. La concierge frappa, et à Mademoiselle Zizi, qui contemplait leur double apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement, elle expliqua. « Monsieur est un employé du gaz, » fit-elle avec l'accent signé d'une comédienne consommée. « Il fait une enquête dans le quartier, car il y eut des plaintes, et il désirait vous poser certaines questions. « Madame la concierge vient de m'apprendre que vous avez eu des ennuis avec votre réchaud, » compléta le policier. « Pourrais-je y jeter un coup d'œil ?»« Assurément. » Le faux employé tripota les robinets, examina les brûleurs sales avec attention, constata, à part la couche de crasse qui en recouvrait le dessus, qu'ils étaient en excellent état, frotta une allumette et alluma le bec. Il fonctionnait fort bien. « Qu'avez-vous remarqué au juste ? » questionna-t-il d'un air détaché. « À vrai dire, rien du tout. » « Ah voilà, candide enfant. Mais mon ami, qui avait mis une bouillotte d'eau à chauffer pour nous faire une tasse de café, a prétendu que les flammes n'étaient pas régulières, que la tuyauterie devait être encrassée, et qu'il était bon temps d'y remédier en soufflant dedans. Et alors, acheva l'inspecteur, il est descendu à la cave, fermé le compteur, il est remonté et... Non, riposta la jeune femme en éclatant de rire. Figurez-vous qu'il se prépare déjà à déplacer l'appareil lorsque je lui ai fait observer qu'il fallait au préalable fermer le compteur. C'est vous qui avez dit cela? Oui. Et Mademoiselle Zizi, dont l'étonnement était sincère, demanda ingénument. Pourquoi? Parce qu'il est rare qu'une femme s'arrête à ces petits détails. Oh, vous savez, je suis habituée à me débrouiller toute seule. C'est donc après cette réflexion qu'il est descendu. Encore une fois, non. J'ai eu pitié de ses jambes. S'il était descendu lui-même à la cave, il eût dû remonter pour souffler la canalisation. Redescendre encore une fois pour ouvrir la clé, puis accomplir un 4e trajet afin de venir me rejoindre. Aussi, j'étais moi-même. J'ai fermé le compteur, j'ai attendu un petit moment, le temps de lui donner l'occasion de souffler dans les tuyaux, puis j'ai rouvert. Tout s'effondrait lamentablement. Et lorsque vous êtes remonté, le gaz fonctionnait-il mieux ? Un petit rire cristallin précéda la réponse. « Il ne m'a pas semblé. Je n'avais du reste jamais rien constaté d'anormal. Mais il ne faut pas contrarier les hommes, n'est-ce pas ? » « Quand cela se passait-il ? » L'inspecteur posait la question par pure forme. D'avance, il connaissait la réponse. Cela ne manqua pas. « Mardi dernier. » La désillusion d'Odilon Quentin était profonde. Une telle déposition, faite aux assises, innocenterait définitivement l'infâme Pierrot, qui, avec un machiavélisme parfait, était parvenu à suggérer à sa maîtresse le geste qu'il eût dû accomplir lui-même. « Mademoiselle, » reprit-il en scandant ses syllabes, « je vais maintenant vous poser une question d'importance capitale. Elle vous paraîtra probablement ridicule, mais je vous demanderai, avant d'y répondre, de bien réfléchir. » Elle acquiesça, l'air étonné. Saviez-vous si, à ce moment, il y avait du feu chez M. Pervenche? Comment aurais-je pu le savoir? Votre ami, Pierre Darken, ne vous avait-il rien dit à ce sujet? Non, assurément, rien du tout. Comment connaissez-vous le nom de mon ami? Parce que je suis inspecteur principal à la Sûreté. Elle le regarda, stupéfaite, mais sans manifester de crainte ni d'appréhension. Ah, fit-elle simplement. Il lui tendit la preuve de sa qualité, mais il n'y accorda qu'un coup d'œil superficiel. « En quoi mon réchaud à gaz vous intéresse-t-il » questionna-t-elle avec un sourire désarmant. Il la regarda longuement, en la fixant, comme si dans ses yeux clairs, il cherchait à découvrir le reflet d'une âme scélérate. « Mademoiselle, » fit-il enfin, « ou bien vous êtes la comédienne la plus extraordinairement douée qu'il m'était donné de rencontrer au cours d'une carrière déjà longue, ou bien vous avez été la victime de la plus fiefée canaille que je connaisse. Mais qu'ai-je donc fait de répréhensible ? S'écria la jeune femme, que l'attitude de son interlocuteur commençait à inquiéter sérieusement. Vous me demandez ce que vous avez fait. Ne vous en rendez-vous pas compte ? Non. La dénégation était teintée d'angoisse, mais elle paraissait sincère. Vous avez assassiné M. Pervenche ? Moi ? Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Je le connaissais à peine. Je me bornais à répondre à son salut lorsque je le rencontrais dans les escaliers. Pourquoi l'aurais-je tué ? Comment l'aurais-je fait ? En fermant le compteur, vous avez éteint son poêle. En le rouvrant, vous l'avez asphyxié. La jeune femme était devenue livide. Elle réalisait pleinement l'atrocité de la situation. À reculons, elle fit trois pas afin de s'appuyer sur la table qui se trouvait derrière elle, fixant l'inspecteur de ses yeux épouvantés où perlaient de grosses larmes. Il hocha la tête, presque avec pitié, et jeta un regard rapide dans la direction de la concierge qui, dans un coin, muette, avait assisté à leur dialogue. Madame Blanchette contemplait la jeune fille sans chercher à déguiser sa compassion. Elle aussi était convaincue de l'innocence de Mademoiselle Zizi. « Je suis forcé de faire mon devoir, » déclara l'inspecteur avec douceur. « J'ai dans ma poche un mandat d'arrêt signé en blanc. Il me suffira de le remplir à votre nom pour que vous soyez en état d'arrestation. Je ne le ferai cependant pas, à condition que vous acceptiez de m'accompagner à mon bureau, où je consignerai votre déposition par écrit. » « Je vous suivrai volontairement, » promit la figurante dans un souffle.